deuxième temps de notre histoire sur 1919, année de la paix. Aujourd'hui, l'émission d'archives sur les conséquences économiques de cette même paix. Hier, l'historien Georges-Henri Soutou nous a expliqué combien il avait été difficile de s'entendre à Paris pour des traités qui allaient aboutir à Versailles en juin 1919, mais également combien cette paix était une paix évolutive et dynamique. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment l'économie s'est mêlée à la politique lors de ces traités. C'est ce que nous verrons grâce à des textes qui seront lus par Daniel Königsberg dans une émission qui sera co-animée avec Victor Massé de l'Épinay qui a préparé toute cette série d'émissions. Nous aurons pour invité Philippe Chalmin, il est professeur à Paris-Dauphine et il publie le mois prochain une brève histoire économique d'un long 20e siècle aux éditions François Bourin. Nous avons également avec nous Guilain Delplace, il est professeur à Paris 8, auteur d'un manuel d'histoire de la pensée économique chez Dunod, et Clotilde Druel-Korn est historienne, professeure à l'université de Limoges et spécialiste entre autres des politiques qui ont été mises en œuvre pendant la Première Guerre mondiale et immédiatement après la Première Guerre mondiale, en particulier les politiques d'aide entre les États-Unis et l'Europe. Pour celui qui a passé à Paris la plus grande partie des 6 mois qui ont suivi l'armistice, une visite à Londres, de temps à autre, était une étonnante expérience. L'Angleterre est toujours restée hors d'Europe. Elle ne remarque pas les agitations silencieuses de l'Europe. L'Europe est à côté d'elle, et l'Angleterre n'est pas un morceau de sa chair, un membre de son corps. Mais l'Europe forme un bloc compact. France, Allemagne, Italie, Autriche, Hollande, Russie, Roumanie et Pologne respirent à l'unisson. Leur structure, leur civilisation sont foncièrement une. Ensemble, ces pays ont prospéré. Ensemble, ils ont été jetés dans une guerre en dehors de laquelle nous sommes économiquement restés, comme l'Amérique, mais à un moindre degré, malgré nos sacrifices et nos secours énormes. Ensemble, ils peuvent succomber. C'est là que se trouve la signification destructive de la paix de Paris. Si, à la fin de la guerre civile européenne, la France et l'Italie victorieuses abusent de leur pouvoir momentané pour détruire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à présent abattues, elles appellent aussi leur propre destruction par suite des liens cachés intellectuels et économiques qui les attachent d'une façon si forte et si inextricable à leurs victimes. En tout cas, un Anglais qui a pris part à la conférence de Paris et a été pendant ce temps membre du Conseil suprême économique des Alliés, était forcé, c'était pour lui une expérience toute nouvelle, de devenir européen par ses vues et ses soucis. Là, au cœur du système européen, ses préoccupations anglaises devaient largement disparaître devant d'autres spectres plus effrayants. Paris était un cauchemar, et tout le monde y était mal à l'aise. Le sentiment d'une catastrophe imminente, dominant la frivolité du spectacle. La vanité et la petitesse de l'homme en face des grands événements qui s'opposent à lui, le sens confus et l'inexistence des décisions, la légèreté, l'aveuglement, l'arrogance, les cris confus de l'extérieur. Tous les éléments de l'ancienne tragédie y étaient. En vérité, celui qui était assis au milieu des ornements théâtraux des salons officiels français pouvait se demander si les figures extraordinaires de Wilson et de Clémenceau, avec leur aspect et leurs signes distinctifs si marqués, étaient en réalité, des visages véritables et non les masques tragicomiques de quelques drames ou de quelques guignols. Voilà donc pour ce premier texte de notre émission d'archives du jour, lu par Daniel Königsberg. Il est tiré des conséquences économiques de la paix, de l'introduction de Keynes. Et nous sommes en compagnie de Victor Massé de l'Épinay. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Clotilde Druel-Korn, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Philippe Chalmin. Bonjour. Et bonjour à vous Guilain Delplace. Qui est Keynes au moment où il écrit ce texte, c'est-à-dire juste après la conférence de Paris? Il est publié quasiment l'année suivante. Il est publié en 1921, ce texte. Et c'est un texte important parce qu'il va être au cœur de notre discussion d'aujourd'hui sur les analyses économiques justement de ce qu'a été à la fois la Première Guerre mondiale mais également cette conférence de la paix. Alors je corrige tout de suite, c'est 19, c'est dès 19, la fin pardon. de 1919, donc dès la fin de cette année, pendant laquelle le traité de Versailles est signé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est signé en juin. Et c'est ça qui aura un gros impact. C'est que c'est, en quelque sorte... Un texte à chaud. Il bat le fer pendant qu'il est chaud. Alors, Keynes n'est pas n'importe qui. C'est le représentant du Trésor britannique à la conférence de la paix. Et il est, depuis l'avant-guerre, un personnage important dans, on pourrait dire, la haute administration économique et financière anglaise. Il a intégré l'Indian Office avant la guerre. Il a participé à des travaux sur le système monétaire en Inde, par exemple. Et pendant toute la guerre, de 1914-1918, c'est lui qui définit, en gros, les grandes orientations du Trésor britannique. C'est lui qui prépare la position britannique pour la conférence de la paix, et il fait partie, c'est évoqué dans le texte qui a été lu, de la commission économique. Le Conseil suprême économique des Alliés. Voilà, qui double le Conseil des quatre, qui prendra les décisions politiques, mais c'est cette commission économique qui traite des questions économiques, c'est lui qui représente le chancelier avec tout pouvoir de décision. Donc ce n'est pas n'importe qui parle dans ce texte. Mais ce n'importe qui, Philippe Chalmin, n'est pas le Keynes que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'est pas celui qui a élaboré une théorie économique qui sera connue un peu plus tard. Il est encore à l'orée de sa carrière, même s'il a déjà démarré sa carrière d'économiste. Oui, c'est un représentant finalement assez atypique, mais du cursus aristocratique britannique. Il a fait Eton, il est à Cambridge, il fait partie, il faut s'en rappeler, de ce qu'on appelait le groupe de Bloomsbury, Virginia Woolf, etc. Et bon, l'économie, à l'époque... n'est pas enseigné. Les économistes... Qu'est-ce que vous dites, l'économie n'est pas enseignée? Je veux dire qu'il n'y a pas... Et les économistes en tant que tels, la profession n'est pas reconnue. C'est une annexe des facultés de droit en France. Et malgré tout, Keynes sera probablement celui qui va donner à l'économie, en tant que, ouvrez les guillemets, science, et je dirais même en tant que aura extérieur à la profession, toute son importance. Mmh. À l'époque, oui, Keynes est important, mais comme un haut fonctionnaire britannique. Clotilde Druel-Korn, alors justement, qui sont ces gens qui gravitent en tant qu'experts dans cette conférence de Paris, qui va donner donc les accords de paix en 1919? On a dit hier avec Georges-Henri Soutou qu'il y avait pour la première fois peut-être des géographes, des historiens, des ethnologues, des anthropologues et donc des économistes qui participent de près ou de loin à cette conférence. Ils sont nombreux, ces experts, qui vont déterminer dans des commissions diverses justement ce que va être ce traité de paix. Qui sont-ils? Et par exemple pour la France, qui y a-t-il autour des ministres ou des représentants français? Merci. Alors effectivement, comme l'a bien dit hier Georges-Henri Soutou, il y a de très très très nombreux représentants et qui ont préparé la paix depuis déjà plusieurs mois. Parmi eux, pour la France, vous avez une personnalité très remarquable, extrêmement importante, qui joue un rôle majeur, c'est Étienne Clémentel. Étienne Clémentel est le ministre du Commerce et de l'Industrie depuis octobre 1915, et c'est lui qui met en œuvre à la fois l'urgence de la guerre, mais aussi qui prépare l'après-guerre sur un plan économique. Il s'est lui-même entouré d'historiens économistes, comme Henri Hauser. Clémentel a des connaissances économiques tout à fait inhabituelles pour son temps. Et donc voilà, on a en fait une multitude de gens qui ont une connaissance fine, précise de l'économie. Victor Massé-Lépine. Alors justement, pour ce qui est de ces questions économiques dans la conférence de la paix, quelles sont les questions avec lesquelles arrivent ces experts économistes ou qui ne sont pas encore étiquetés économistes? La première des tâches, ça va être de déterminer le coût total de la guerre pour chacun des belligérants, avant éventuellement de savoir ce que l'Allemagne devait payer. Ça va être des discussions très longues et très compliquées. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qu'a coûté une guerre comme celle-là qui a duré 4 ans? Philippe Chalmin. Il faut rappeler que cela fait partie quand même de la tradition du 19e siècle. On est encore au 19e siècle. De la même manière que la France avait dû payer en 1815, qu'elle avait dû payer en 1871, l'Allemagne doit payer. C'est la fameuse phrase de Klotz, mais les Anglais disaient un peu la même chose. Alors ensuite, il y a eu tout un débat pour savoir comment on allait calculer le coût de la guerre. Est-ce que c'était, et c'était l'idée de Wilson, est-ce qu'on allait se limiter à mesurer les dégâts qui avaient été causées sur les territoires. Et à ce moment-là, ça voulait dire que la France aurait ramassé grossièrement 70% de ce qu'on va appeler bientôt les réparations. Ou bien est-ce qu'on allait intégrer le coût de la guerre, c'est-à-dire le coût de la fabrication des munitions, ou éventuellement encore, et c'était là où les Britanniques remontaient au créneau, est-ce qu'il ne fallait pas tenir compte aussi des pensions des veuves de guerre et autres machins de ce genre? Donc les évaluations vont se balader entre un minimum qui était tenu par les Américains et un maximum, bien entendu, tenu par les Français. À la fin, ça a été la discussion de marchand de tapis. Guylain Delplace. Oui, alors, je crois qu'il faut bien voir que, et le texte de Keynes le montre bien, il y a deux philosophies qui s'opposent. La philosophie majoritaire, presque unanime, c'est de dire il faut solder le compte de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut calculer son coût et il faut faire payer l'Allemagne. Il faut purger la guerre. Il faut purger la guerre. On vient du passé et on solde le passé. Et puis, Keynes, mais d'autres aussi. Hein, et en France, il ne faut pas sous-estimer. Il y aura un courant important, mais qui ne sera pas très entendu, qui consiste à dire, bon, après la guerre vient la paix. Et donc, la question que nous devons avoir en tête, c'est comment préparer les conditions du retour à une économie de paix. Et est-ce que toute cette question des réparations, des dettes interalliées, on en parlera peut-être, ne va pas plomber, en quelque sorte, le retour à cette économie de paix? Et la position de Keynes est minoritaire, mais elle est, de ce point de vue-là, très forte, pas seulement d'un point de vue moral, regarder vers l'avenir, mais d'un point de vue économique, il est impossible de remettre l'économie occidentale sur le chemin de la paix si on impose des réparations importantes à l'Allemagne. Clotilde Drouet-Elkorn. Oui, alors en fait, il s'agit moins d'évaluer le coût total de la guerre. Hein. C'est un principe des réparations qui est acquis avant la fin de la guerre et qui est acquis pour les Alliés et pour l'Allemagne même. Donc c'est assez différent. Et les Alliés, Clémentel par exemple, mais beaucoup d'autres, hein, et parmi les économistes, quelqu'un comme Gide, sont tout à fait conscients qu'on ne peut pas demander à l'Allemagne des sommes énormes de réparations. Donc ils sont. Pourquoi a-t-on gardé le souvenir justement que c'était cela que demandait la France, des sommes énormes de réparations? Qu'est-ce qui s'est passé pour quel était le troc mémoriel, pourrait-on dire, pour qu'au bout du compte, vous qui travaillez sur les archives de ces années-là, eh bien, ça soit ça qu'on ait gardé en tête? Alors, toujours pour reprendre mon auteur Clémentel, voilà ce qu'il dit également. Il dit il serait naïf et dangereux que cela soit connu des Allemands. Donc en fait, il y avait déjà toute une préparation, et je suis bien d'accord avec cette notion de traité dynamique. L'évolution, elle est prévue dans les très nombreuses clauses, elle est prévue dans les discussions. Ce que l'on veut, ce sont des réparations, des sanctions, des garanties, mais tout cela peut évoluer et on est très conscient de la capacité de paiement de l'Allemagne. Voilà si ce qu'écrit donc toujours dans ses conséquences économiques de la paix en 1919, donc Keynes dans le chapitre 6, l'Europe après le traité. Ce chapitre sera fait de pessimisme. Le traité ne comprend nulle disposition en vue de la restauration économique de l'Europe. Il ne décide rien pour placer les empires centraux vaincus au milieu de bons voisins, rien pour organiser les nouveaux États européens ou pour sauver la Russie. Il ne crée en aucune façon un contrat de solidarité économique entre les alliés eux-mêmes. Aucune disposition n'est prise pour rétablir les finances déréglées de France et d'Italie et organiser le fonctionnement de l'ancien monde et du nouveau. Le Conseil des quatre ne prit pas garde à ces questions. Il était préoccupé d'autres problèmes. Clémenceau voulait abolir l'existence économique de l'ennemi, Lloyd George rapportait en Angleterre quelque chose qui soit accepté pendant une semaine, et le président Wilson ne rien faire qui ne fût juste et droit. Il est extraordinaire que le problème fondamental d'une Europe mourant de faim et se désagrégeant sous leurs yeux n'ait pu intéresser les quatre. Les réparations furent leur principale incursion dans le domaine économique. Et ils réglèrent cette question comme un problème de théologie, de politique et de tactique électorale, s'occupant de tous les points de vue, sauf de celui de l'avenir économique des États, dont ils avaient en main la destinée. La campagne accomplie pour faire payer par l'Allemagne les dépenses de guerre nous semble avoir été un des actes les plus graves de folie politique dont nos hommes d'État aient jamais été responsables. C'est vers un avenir bien différent que l'Europe aurait pu se tourner si M. Lloyd George et M. Wilson avaient compris que les plus importants problèmes qui devaient les occuper n'étaient ni politiques, ni territoriaux, mais financiers et économiques, et que les dangers qui menaçaient n'étaient pas dans des questions de frontières et de souveraineté, mais de ravitaillement, de charbon et de transport. À aucun moment de la conférence, ils n'accordèrent à ces problèmes une attention suffisante. C'est ainsi que l'examen scientifique des capacités de paiement de l'Allemagne fut écarté dès le début. Un extrait donc des conséquences économiques de la paix 1919, signé par Keynes, donc l'Europe après le traité, dans le chapitre 6, Victor Massel-Lépinet. On a envie de vous demander à tous les trois si Keynes est juste avec les auteurs du traité dans cet extrait. Est-ce que les questions économiques n'ont été abordées que écrasées par les questions politiques, les questions morales? Est-ce que l'Allemagne doit payer, comme vous l'avez dit Philippe Chalmin, ou est-ce qu'on a vraiment traité les questions économiques comme telles? Peut-être Dylan de place. Alors, le point de vue de Keynes est clair. Hein. L'économie n'a été considérée dans le traité que comme un prolongement de la politique. Article 1, l'Allemagne doit payer. Article 2, alors on doit savoir combien elle peut payer et combien les alliés sont peuvent recevoir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on a beaucoup critiqué Keynes, hein, et on évoquera tout à l'heure l'ouvrage d'Étienne Mantoux, 25 ans après encore, on le critique en disant il s'est trompé, il a sous-évalué les capacités de paiement de l'Allemagne, etc. etc. Bon, c'est pas vraiment la question. Si on regarde la position des économistes français influents de l'époque, il y a deux économistes français qui sont importants, Charles Gide et Charles Rist. C'est Charles Gide qui insiste auprès de son neveu, et André depuis Gide. Longtemps pour Charles Gide, depuis longtemps, il est important. Voilà, il est très important. Depuis la fin du et c'est lui qui insiste auprès de son neveu, André Gide, pour que la NRF publie les conséquences économiques de la paix, puisqu'il trouve que c'est un texte très important et qui doit être publié tout de suite. Il le sera en 1920. Charles Rist, qui est un libéral, qui s'opposera violemment à Keynes 10 ans après sur des questions monétaires, soutient les positions de Keynes. La question centrale, c'est pas est-ce que le montant des réparations est juste ou pas, est-ce que l'Allemagne peut payer ou pas, est-ce que c'est possible de mettre en œuvre cette machinerie. Et la réponse de Keynes, sur la base d'arguments économiques, est non, c'est impossible, ça ne se fera pas. Et d'une certaine façon, il a eu raison. Philippe Chalmin. Alors, Keynes a raison, mais il manque de la d'une totale sensibilité vis-à-vis justement des problèmes français. Oui, Keynes a incontestablement raison, puisque au fond, est-ce qu'il lui donnera raison ? Ce sera, 30 ans plus tard, la mise en place du plan Marshall. Le plan Marshall, c'est l'idée de Keynes pur jus, telle qu'il la défend en 1919, et telle d'ailleurs qu'elle était soutenue par Clémentel. Mais cette idée, elle avait, puisqu'on parle de réparation, il y avait un petite chose en plus. Si on oubliait les réparations allemandes, si même on autorisait l'Allemagne à emprunter de l'argent pour se relancer économiquement, puisqu'elle était la machine économique de l'Europe, il fallait quand même qu'il y ait une compensation. Cette compensation, c'était l'annulation des dettes de guerre. Et les Allemands, les Américains, par contre, l'annulation des dettes de guerre pour les Français, vous voulez dire. Et pour les Anglais, et pour l'ensemble des dettes de guerre. Si... Je vous rappelle que les États-Unis, de facto, ont annulé les dettes de la Seconde Guerre mondiale. Et au contraire, le plan Marshall, c'est du Keynes 1919 à l'état pur. Donc ça, c'est la première erreur de Keynes. La deuxième, et elle est claire à la fois dans les conséquences économiques de la paix, mais dans un certain nombre d'autres livres ou papiers qu'il a écrits, il était quand même d'une francophobie à peu près totale. Et il a été d'une incapacité à comprendre combien les Français avaient vécu dans leur chair la guerre. Keynes, il était loin, et d'ailleurs il le dit lui-même, il a fallu que l'on gonfle le montant des réparations côté anglais pour arriver à récupérer un peu de choses. La seule chose qui intéresse à ce moment-là les Britanniques, nous sommes au début 1919, c'est de récupérer la flotte commerciale allemande. Bah, reconnaissons tout de même que Clémenceau n'est pas très gentil non plus pour Keynes, quand il traite Keynes, et ainsi que Robert Lansing, qui est donc conseiller du président Wilson, de l'ineffable groupe des mécontents pendant le traité de Paris. Il y avait une tension visiblement assez forte. Mais Keynes méprisait tout le monde, ouais. Hein, quand même. Clotilde Druel-Korn. Oui, alors, donc, il y a un certain nombre quand même de contradictions, très nettes, chez Keynes et de mauvaise foi. Et de mauvaise foi aussi dans les manières qu'il a de présenter un certain nombre de chiffres, même si son évaluation globale était assez juste et colle assez avec celle de la commission des réparations. Dans le texte également qui a été lu, il y a des points qu'il n'évoque pas. Par exemple, on s'est bien occupé du ravitaillement du charbon, des transports, et ces points-là. Alors, en revanche, c'est les États-Unis qui cherchent à les tenir par l'American Relief Administration. Et c'est là que l'on voit aussi le poids des États-Unis. Oui, parce qu'il faut tout de même dire, et vous avez travaillé là-dessus pour votre habilitation à diriger des recherches, Claudine Druel-Korn, que les États-Unis n'ont pas eu les deux pieds dans le même sabot pendant toute la durée de la guerre et qu'ils ont été très présents économiquement dans le soutien aux Belges, dans le soutien aux Français, de façon presque souterraine, dirons-nous, mais qu'ils n'ont pas été totalement absents du soutien économique à la guerre, avant même de rentrer en guerre en 1917, en l'occurrence, les Américains. Oui, absolument. Absolument. Et ce que l'on voit, c'est leur volonté. Alors là, à ce moment-là, par le Conseil suprême économique notamment, de passer outre les formes interalliées qui s'étaient manifestées à la fin de la guerre, notamment dans ce qu'on appelle les exécutives, et de fonder quelque chose, une organisation qui leur permette de diriger l'aide à leur convenance et de diriger l'aide en faisant un moyen de pression également sur la paix. Mais qu'est-ce qui coince alors? Puisque Philippe Chamblain nous dit il y avait un début de consensus, on aurait pu s'entendre. Vous nous dites les Américains sont là en train de réfléchir à une organisation économique à la sortie de la guerre. Qu'est-ce qui ne marche pas, Clotilde Druel-Korn, justement à ce moment-là? Ce qui ne marche pas, c'est les formes, les liens absolus qui leur sont imposés, notamment dans le cadre du traité de Versailles, qu'ils ne signeront pas. Et là, on ne tient pas suffisamment compte, en fait, de l'isolationnisme ou des formes d'isolationnisme, parce que c'est plus compliqué que cela, américaines, et qui ne veulent pas avoir les mains liées en Europe et dans le traitement de la paix. Guylain Delplage. Oui, je voudrais revenir sur cette fable de la francophobie de Keynes. Bon, c'est une petite musique qui s'est développée dans les années 20 et surtout dans les années 30. Keynes a eu des positions très dures vis-à-vis de la politique française de déflation au début des années 30. Des mots très durs sur l'attachement viscéral de la France à l'étalon or. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont façonné cette idée de francophobie. Alors, il faut quand même être sérieux. Il y a deux choses. Premièrement, la position de Keynes, elle est très claire. Un, il faut annuler les dettes interalliées et d'abord la dette de la France vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est pas vraiment francophobe. C'est ce que je dis. Deux, la France doit avoir priorité sur les réparations et l'Angleterre doit abandonner sa part au profit de la France. Elle ne sera payée qu'une fois que la France aura été réglée. Trois, il faut un grand emprunt international de manière à reconstruire les économies dévastées. Quelle est l'économie la plus dévastée avec celle de la Belgique? La France. Est-ce que c'est une position francophobe? C'est quand même assez dur de le défendre. Deuxième remarque. Je disais tout à l'heure que les grands économistes français des années 20, Charles Gide, Charles Rist, ont soutenu les positions de Keynes dans les conséquences économiques de la paix. Il n'y a pas que. Il y a tout un secteur de l'opinion. Et ça aussi, ça contribuera à cette petite musique de la francophobie. Qui, dans l'opinion? Les socialistes. Blum publie dans son journal Le Populaire, dans les années 20, plusieurs articles de Keynes autour de cette question, mais aussi autour des questions monétaires, etc. Blum, le Front Populaire, etc. Il y a toute une petite musique, un peu nauséabonde quand même, qui alimente cette fable de la francophobie de Keynes, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Alors, Philippe Chalmin, défense et illustration de votre position vis-à-vis de Keynes et de cette idée de la francophobie. Moi, je me contente de regarder quand même un certain nombre de textes. La manière... Alors, c'est vrai que Keynes avait la dent dure à peu près pour tout le monde. C'est un excellent caricaturiste, mais c'est un petit peu ce mépris un peu de la vieille aristocratie britannique. C'est pas comme ça que je voyais caricaturiste, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est quand même assez frappant, y compris d'ailleurs avec des relents d'antisémitisme, lorsqu'il parle de Klotz, dont il dit un petit juif sans intérêt ou à peu près. Non, il faut quand même faire peut-être descendre le personnage de son piédestal, même si, je le répète, la vision qu'a Keynes des questions économiques en 1919 est probablement la plus réaliste, mais elle est largement partagée par Clément Tell. Simplement, elle est politiquement infaisable. Alors, je voudrais simplement revenir sur le rôle des Américains, parce qu'il y a un personnage quand même qui fait son arrivée sur la scène internationale à ce moment-là, c'est Hoover. Herbert Hoover. Mais alors Keynes, dans une note qu'il avait fait à Balfour, écrit, je me permets de citer, parce que Hoover, il était responsable de l'aide alimentaire. Et notamment... C'est-à-dire que c'était un peu l'humanitaire, c'est un engagement l'humanitaire, entre guillemets, oui, parce que qu'est-ce que commence à dire Keynes? Ben, le souci de Hoover, c'est de faire sortir et de dégager les stocks excédentaires américains. Et je me permets de citer simplement, la nuit quand il dort, Hoover voit flotter des cochons tout autour de son lit, et il dit franchement qu'il ne reculera devant rien pour dissiper ce cauchemar, et donc pour fourguer le lard excédentaire américain sur le marché européen. C'est Keynes qui écrit ça? Ouais, c'est Keynes dont il le cite, c'est un rapport qu'il avait envoyé au chancelier de l'échiquier. Ouais. Non, il écrit, il est spontanément méchant. Il dit de Foch qu'il est un paysan, qu'il ne pense à peu près rien, mais il est méchant aussi avec les Anglais, notamment les militaires anglais passent à la moulinette. Oui, Clotilde Druel-Korn, vous qui avez travaillé justement sur ce Herbert Hoover, où pendant la Première Guerre mondiale, il est chargé justement du soutien à l'alimentation, pourrait-on dire, d'une Europe dévastée par la guerre. Oui, alors d'abord, c'est un homme il de ses œuvres. Il n'est pas encore président. Non, c'est un humanitaire et c'est un il est appelé par Wilson pour le devenir le food administrator aux États-Unis. Et il va se rapprocher, il va de plus en plus prendre un rôle politique, effectivement. Mais ce serait vraiment réduire son action et ce projet, même si, effectivement, il a en tête les excédents parce qu'il a planifié la campagne agricole et qu'il lui faut des débouchés. De toute façon, c'est un personnage qui se fera élire en 1929 avec ce slogan, je crois, un poulet dans chaque casserole, une voiture dans chaque garage. Donc, il y aura quelques phrases ensuite, la reprise est au coin de la rue. Mais un autre point quand même important, c'est qu'il y a Il y a eu, depuis 1916, des projets d'organisation d'une union économique de l'Europe occidentale pouvant se transformer en une alliance économique, en une communauté atlantique. C'est-à-dire que l'on a réfléchi également à des structures, et à des structures mêlant le politique, l'économique, le financier, et qui auraient pu jouer ce rôle. Mais qu'ils ne le joueront pas. Voilà. Et donc, parmi ceux dont Gildan Delplace disait qu'ils étaient choqués par le livre de Keynes sur les conséquences économiques de la paix, il y a André Tardieu qui publie en 1921 La paix, une sorte de plaidoyer pour pouvoir défendre l'action de Clémenceau, des Français et de lui-même, puisqu'il était tout proche de ces milieux-là. Il a participé à la conférence de la paix. André Tardieu écrit La paix, un extrait lu par Daniel Königsberg. Toutes les manifestations de l'Allemagne pendant la négociation de la paix annonçaient ce que ses actes, depuis la mise en vigueur, ont surabondamment établi, sa volonté de ne pas payer. Une politique est incluse dans cette volonté, celle des grands industriels qui entendent, de la défaite militaire, tirer une victoire économique. De la situation créée par la guerre est né cet orgueilleux espoir. D'un côté, des pays vainqueurs, mais envahis, endettés, dévastés, ruinés systématiquement par l'invasion allemande. De l'autre, l'Allemagne, vaincue, mais intacte, avec une dette extérieure insignifiante. Toutes ses usines sauves, son industrie développée par la guerre elle-même. Que, pour la concurrence commerciale, vainqueurs et vaincus repartent en même temps et dans des conditions égales, le triomphe de l'Allemagne est assuré. C'est ce que les négociateurs de Versailles n'ont pas voulu. D'où les clauses de réparation, d'où l'hypothèque générale prise sur les ressources financières de l'Allemagne, d'où la non-réciprocité de certaines dispositions douanières pendant une période de 5 ans, d'où l'obligation imposée aux vaincus de livrer ces matières premières, d'où le pouvoir de contrôle de la commission des réparations. C'est cet ensemble de clauses que les industriels allemands ont résolu de jeter bas. Ils savent mieux que personne que la situation n'est pas celle que décrivent leurs journaux. Ils savent que dans beaucoup de branches, l'automobile, pour n'en citer qu'une, on a depuis 1915 procédé à des augmentations de capital de plusieurs centaines de millions. Ils savent que l'Allemagne, ni dans ses usines, ni dans ses foyers domestiques, n'a subi au même degré que la France, au lendemain de l'armistice, le manque de charbon. Voilà pourquoi, par tous les moyens, ils entendent garder à l'Allemagne l'instrument de suprématie économique que, pour rétablir l'équilibre, les négociateurs de Versailles ont légitimement handicapé. Le but est clair, simple et la méthode. Par des plaidoyers larmoyants, on montre l'Allemagne incapable de travailler et de produire. On procède à des fermetures d'usines, dont certaines sont si manifestement arbitraires qu'elles provoquent des protestations jusque dans sa presse allemande. On annonce des crises de chômage, on menace l'Europe du bolchevisme, on mène à l'étranger une active propagande, on gagne du temps. On se réorganise, on se prépare, et demain, si les Alliés étaient dupes de ce camouflage, l'Allemagne, libérée de tout contrôle, maîtresse de ses matières premières, quitte à bas prix de sa lourde dette, repartirait à la conquête des marchés du monde avec l'inappréciable avantage de moyens intacts et de concurrents retardés. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. Et donc dans ce texte, André Tardieu, proche de Clémenceau, donc dans La Paix en 1921, répond donc à Keynes et explique que effectivement il faut se méfier d'une Allemagne qui serait en fait une tricheuse et qui mentirait sur ses buts finaux. Il faut donc la faire payer pour pouvoir ensuite éviter qu'elle ne devienne le monstre économique de l'Europe tout entière. Qu'est-ce que vous en pensez, Guilain Delplace ? Alors, je trouve que ce texte est très intéressant parce que il se situe dans le même registre économique que celui de Keynes, mais avec une position qui est évidemment exactement opposée. Ce registre, c'est celui de la concurrence commerciale, comme il le dit. Pour Tardieu, l'Allemagne est sortie de la guerre intacte, les alliés, en particulier la France, sont exsangues, et donc, si on laisse faire, l'Allemagne va pouvoir écraser l'économie française grâce à ses capacités concurrentielles. Donc il faut lui faire porter un handicap, comme pour un cheval qui est trop fort. Comme pour un jockey. Et ce handicap, ce seront les réparations. Pour Keynes, la position est exactement l'inverse. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est une chose qui ne sera pas comprise à l'époque. Même encore 10 ans après, il y aura un débat dans l'Economic Journal, en particulier avec Jacques Rueff, représentant du libéralisme français, sur cette question. Keynes insiste sur le fait que on ne pourra faire payer l'Allemagne dans une économie de paix, c'est-à-dire une économie de marché, que si l'Allemagne dégage un excédent commercial sur les pays qui recevront les réparations. Ça veut dire que, en réalité, pour que l'Allemagne puisse payer, il faudra la mettre en situation de détruire les économies françaises et britanniques. C'est ce qu'il dit à la fin, dans ce débat en 1929, dans l'Economic Journal. Il dit, voilà, on est en présence d'un paradoxe. Il va falloir exercer une pression politique énorme sur l'Allemagne pour l'obliger à détruire nos économies. Philippe Chalmin, à propos de ce texte d'André Tardieu et de cette défense et illustration de la position française. Non mais Tardieu a relativement raison. Il faut quand même rappeler que finalement, les Allemands n'ont pas eu conscience même de leur défaite. Lorsque les troupes allemandes reviennent en ordre et défilent dans Berlin, Friedrich Ebert, qui est le président de la jeune République de Weimar, va saluer des troupes qui n'ont pas été vaincues. On en parlera demain avec la question des révolutions allemandes. Le potentiel économique allemand est entier, et même que, à la limite, l'Allemagne perd un peu de territoire, c'était la tradition, mais elle sort à peu près intacte, alors que le concurrent, le contrepoids, l'Autriche-Hongrie, disparaît et éclate. Et à la limite, on assiste presque à un renforcement de la position allemande sur l'échiquier européen, porteur de tous les problèmes que nous savons, sachant que, par ailleurs, l'extrême droite allemande va faire du diktat de Versailles un de ses leitmotifs que l'on retrouve chez Hitler, notamment dès qu'il arrive au pouvoir, il va annuler les réparations. Victor Massé de l'Épinay. Mais alors, à vous entendre, Philippe Chalmin, Keynes se tromperait lourdement en disant « l'Allemagne ne peut pas payer ». En fait, d'après vous, d'après ce que je comprends, l'Allemagne avait largement déjà de quoi payer. Non, mais là où Keynes a raison, c'est que, incontestablement, le rebond économique de l'Europe, d'ailleurs le rebond économique de l'Europe intervient à partir de 24, et il intervient parce que, enfin, vous avez les premiers banquiers américains qui commencent à se réintéresser à l'Allemagne. L'Allemagne reste le moteur économique de l'Europe. C'est au fond ce qui va être exactement fait à partir de 1946. Et au départ, les Français étaient relativement opposés à ce que l'Allemagne bénéficie de l'aide Marshall. Ce sont les Américains qui l'ont imposé et qui ont dit ensuite aux Européens, vous allez vous organiser ensemble et vous allez fonder l'Organisation économique de coopération européenne, européenne de coopération économique, l'ancêtre de l'OCDE. Clotilde Druel-Korn, justement, sur ces querelles autour de Tardieu, de Clémenceau et de tous ceux qui critiquent justement les conséquences économiques de la paix telles qu'elles ont été décrites par Keynes. Alors ici, donc, Tardieu fait référence aux mesures qui ont été effectivement prises et construites, mais qui étaient d'abord des mesures temporaires. Hein, et il s'agissait ici de contenir plutôt l'Allemagne. Hein, et une Allemagne dont on savait quels étaient ses projets en Europe, ce qu'elle avait imposé lors de la paix de Brest-Litovsk. Donc, il s'agissait de la contenir. Et par exemple, Henri Hoser dit, nous n'allons pas sous prétexte de faire payer l'Allemagne. Henri Hoser qui est donc lui aussi un économiste proche de Clémenceau. Pas faire payer l'Allemagne et en cela risquer de nuire et de ruiner nos industries de transformation. Tout cela était vraiment dans l'esprit. Donc, dans le détail, les mesures qui ont construites, elles devaient permettre à la fois à l'Allemagne de payer, mais sans ruiner les industries françaises. Victor Massé de l'Épinay. Il y a un mot dans le petit texte d'André Tardieu qui vient d'être lu par Daniel Königsberg sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est le mot de bolchevisme. Parce que si on élargit un peu l'horizon intellectuel de tous les gens qui réfléchissent à ce moment-là, est-ce que véritablement, comme le dit Tardieu, on menace, Keynes ou d'autres, menace l'Europe du bolchevisme? Est-ce que le bolchevisme est un spectre qui rentre vraiment dans les considérations des économistes ou des hommes politiques de l'époque quand ils réfléchissent aux réparations de l'Allemagne? Philippe Schellmann, puis Guylain Delplace. Ah bah oui, de toute façon, il faut quand même se rappeler que vous avez eu un certain nombre de révolutions, ouvrez les guillemets, bolcheviques, Berlin, Munich, Budapest, etc. À l'époque, les bolcheviques imaginent propager la révolution à l'ensemble de la planète, c'est un des arguments d'ailleurs des Allemands de dire « Mais regardez, nous, nos corps francs sont en train de se battre contre les bolcheviques, donc il faut absolument que nous repartions. » Ceci étant, ça ne sera pas suffisamment entendu. Paradoxalement, je vous rappelle que dès 1921, l'Allemagne de Weimar va réussir à se réarmer avec l'aide, entre guillemets, des bolcheviques. Ils signeront un peu plus tard le traité de Rapallo. Guylain Delplace. Oui, alors ces troubles politiques qui agitent l'Allemagne au début des années 20... On en parlera pendant l'émission de demain. ...relativisent quand même l'image un petit peu idyllique qui était évoquée tout à l'heure d'une Allemagne qui sort de la guerre avec une capacité économique intacte et une paix intérieure. C'est en juin 19 qu'est signé le traité de Versailles et en janvier 19, il y a eu la révolution spartakiste dont on vous parlerai demain. Donc, bon, quand même. Pour revenir à Keynes, puisque c'est plutôt cela que j'ai en tête, c'est vrai que la position de Keynes, on évoquait tout à l'heure sa participation au groupe de Bloomsbury, Virginia Woolf, Duncan Grant, etc., c'est quelqu'un qui est un économiste, Keynes, mais qui voit aussi les choses en termes, disons, de civilisation. Et pour lui, c'est vrai que l'un des crimes contenus dans le traité de Versailles, c'est de menacer l'avenir de la civilisation européenne, de la civilisation occidentale, qu'il ne voit pas, bien entendu, dans le sens que le bolchevisme pourrait imposer. Keynes n'est pas du tout favorable au bolchevisme. Et c'est justement pour défendre contre ces menaces qu'il juge le traité de Versailles dangereux. Donc ils ont tous... Ce que vous dites, c'est qu'ils ont quand même des diagnostics qui sont assez proches, au bout du compte, de Clotilde Druel-Korn, mais qu'ils n'ont pas la même façon de régler les problèmes. Tout à fait, je le crois, absolument. Alors, l'Allemagne, surtout à cette époque-là, elle a faim, hein, elle a terriblement faim, et elle est dans un grand trouble politique. Mais cela dit, effectivement, son appareil de production, il est là, il est intact. Et donc, c'est effectivement dans les solutions mises en œuvre. Je voudrais aussi souligner qu'il y a, dès la fin de la guerre, une diplomatie économique et financière parallèle qui se met en place et qui va permettre, alors en dehors des yeux du public, et notamment par une structure comme la Chambre de commerce internationale, qui va permettre d'arriver au plan Dawes, au plan Young, qui a réintroduit les banquiers allemands et les industriels allemands très tôt, dès 1920-1921, dans les discussions qui se tenaient à Paris, notamment dans le cadre de cette Chambre de commerce internationale. Et en fait, les circuits, ils se remettent en route. Hein, Alors qu'ils ont été interrompus par la guerre. Oui, ils se remettent en route et cette diplomatie, elle permet de régler. Moi, je suis un tout Philippe petit Chalmers. Peu moins idyllique en ce domaine. Il faudra attendre 1924 et le moment où l'Allemagne est au plus profond de la crise et de l'hyperinflation pour que, enfin, les banquiers américains commencent à prendre conscience de la réalité et envoient Dawes et Young et on va avoir le plan Dawes qui va permettre le rebond allemand. Moi, je pense au fond, là où j'en veux à Keynes quelque part, c'est qu'au travers des conséquences économiques de la paix, il a réussi à transférer la responsabilité de l'échec économique de Versailles sur la cupidité française. Et c'est ça le drame. La France sort de Versailles avec cette image et tout le monde a, l'Allemagne paiera, les Français sont greedy. Voilà. Et les responsables, à mon sens, sont bien plus les milieux bancaires et financiers américains qui n'ont jamais voulu entendre parler jusqu'au moins 24 où il y a un premier prêt de JP Morgan à l'Allemagne, puis le plan Young, et finalement c'est très tard, en 1932, que le même Hoover va enfin proposer un moratoire total sur les dettes de guerre. Vous n'êtes pas d'accord, Clotilde Ruel-Korn ? En fait, moi, je vois les financiers américains revenir bien plus tôt. Et vraiment, 20-21, ils sont là. Ils sont mais là. Peut-être pas avec un plan organisé. Pas encore avec un plan aussi organisé, mais les mécanismes sont construits. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'eux tout de même pour reconstruire cette Europe au sortir de la guerre. Ces banquiers américains, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là, mais ils le savent tout à fait. Et ils sont prêts. Alors, ils sont prêts ensuite, c'est le rapport aux garanties et le rapport aussi à l'État fédéral. Alors, il y avait un jeune garçon qui n'a pas connu la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Étienne Montout, qui a été, en revanche, un grand combattant de la Seconde Guerre mondiale, qui écrit, juste avant la Seconde Guerre mondiale, un texte qui s'intitule « La paix calomniée », qui est une réponse, justement, à ces conséquences économiques de la paix de Keynes. Il ne sera publié qu'après sa mort et à la Libération. D'ailleurs, chez Gallimard, comme l'avait été d'ailleurs le livre de Keynes en 1920, ce livre « La paix calomniée » d'Étienne Montout, c'est une réponse à Keynes, je l'ai dit, un extrait lu par Daniel Königsberg. Clemenceau avait dit un jour « Nous n'avons pas à nous excuser de notre victoire. Il n'aurait pu mieux dépeindre ce qui allait suivre. Le mea culpisme, car tel est le nom que mériterait bien cette tendance. Le mea culpisme tient une grande place dans la pensée politique française et anglaise de l'entre-deux-guerres. Le traité, avait écrit M. Keynes, fut une violation de la parole donnée et de la morale internationale comparable à l'invasion de la Belgique. Ceux qui signeront ce traité signeront l'arrêt de mort de bien des millions d'Allemands, hommes, femmes et enfants. De telles paroles troublaient bien des consciences. Longtemps avant que le chancelier Hitler parût sur la scène européenne, les mea culpistes menaient campagne pour la révision du traité. Quand les concessions répétées des alliés reçurent pour récompense, certes méritée, la révolution nationale socialiste, les mea culpistes répétèrent inlassablement que le chancelier Hitler était le produit du traité de Versailles et du traitement odieux qu'on avait infligé à la République allemande. Et si quelqu'un était en passe de l'oublier, le chancelier avait tôt fait de le lui rappeler. Les injures à l'adresse du diktat étaient un des refrains favoris de sa guerre des nerfs à grand spectacle. Et voici que dans ses invectives résonnaient dans bien des oreilles comme un écho sinistre des conséquences économiques de la paix. Alors là, c'est un peu fort de café, puisque Étienne Montout dit en gros que Keynes est à l'origine, ou du moins que les conséquences économiques de la paix sont plus ou moins responsables de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Enfin, c'est ce qu'il laisse entendre dans ce texte. La dernière phrase est terrible. Ce n'est plus seulement Keynes, responsable du complexe de culpabilité, qui a conduit les Alliés à fermer les yeux sur la montée du nazisme. C'est Keynes, inspirateur d'Hitler, hein, un écho sinistre. Les discours d'Hitler sont un écho sinistre des conséquences économiques de la paix. On croit rêver. Alors, on se dit quand même, de la part d'un esprit aussi cultivé qu'Étienne Mantoux, pourquoi tant de haine? Et je crois qu'il faut souligner deux choses. Étienne Mantoux, il faut préciser que c'était un très brillant étudiant qui est allé, je crois, à Princeton pendant l'entre-deux-guerres. Voilà, alors justement, c'est ça qui est important. Vous avez raison de le dire. Il écrit ce texte en 1943. À Princeton, où il a eu une bourse par la Rockefeller Foundation. Et de quoi on parle à Princeton à ce moment-là? Et vous pourrez probablement le dire tout à l'heure. C'est le plan Morgenthau. Morgenthau est le secrétaire d'État au Trésor, qui définit un plan pour l'après-guerre. Et le plan pour l'après-guerre, c'est très simple. Démolir l'industrie allemande et ramener l'Allemagne à un État pastoral, l'agriculture. De telle façon qu'il n'y ait plus d'autres guerres. Exactement le même point de vue que celui des conséquences économiques de la paix en 1919. Enfin, pas le point de vue de Keynes, bien entendu, le point de vue opposé à celui que critiquait Keynes. Donc, lorsque Mantoux écrit ça, c'est dans une ambiance intellectuelle qui est de refaire le coup de 1919. Et puis, deuxième chose, et après je vous... qui est Mantoux? Mantoux, c'est celui qui a fait, en 1937, dans la Revue d'économie politique, la critique de la théorie générale de Keynes. C'est-à-dire que Mantoux s'inscrit dans une perspective qui voit la montée parmi un certain nombre de hauts fonctionnaires français, en particulier des gens qui ont été liés au gouvernement Blum en 1936, des idées keynésiennes. Il s'agit aussi de démolir le Keynes de la théorie générale, plus seulement le Keynes des conséquences économiques. Philippe Salmin et puis Clotilde Ruel-Korn. J'entends bien, et je suis à peu près d'accord avec vous, sauf que les conséquences économiques ont été largement utilisées contre le traité de Versailles. En particulier, elles sont citées à un moment lors du débat aux États-Unis, lorsque Wilson rentre en juin 1919, il va essayer de se battre pour que le Congrès ratifie le traité de Versailles, ce qu'il ne fera pas. Et l'un des opposants va citer en tribune, au Sénat ou à la Chambre des représentants, je me souviens plus, un passage des conséquences économiques. Qu'on le veuille ou non, Keynes, qui d'ailleurs a démissionné de ses fonctions, je crois, au mois d'avril ou de mai, avant en tout cas la signature du traité, Keynes, quand même, crache très largement dans la soupe. Clotilde Ruel-Korn. Alors moi, je voudrais rebondir donc sur cet après-Deuxième Guerre mondiale. Vous avez raison donc sur les débats à Princeton. Un élément intéressant, c'est que Herbert Hoover, désormais un vieux monsieur, il est consulté par Truman sur ce qu'il convient de faire en Europe. Et il vit en Europe et il appuie totalement les dispositions qui deviendront celles du plan Marshall. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il poursuit son idée d'avant la Seconde Guerre mondiale et son idée qu'il avait déjà plus ou moins en tête à la Plus ou moins en tête, mais cette fois-ci en étant extrêmement soucieux de la question financière et qu'il n'y ait pas de dette, ni de réparation, ni... Ça veut dire que ces questions, et on va terminer là-dessus très brièvement chacun d'entre vous, agitent encore les historiens de l'économie et les économistes que vous êtes les uns ou les autres, Philippe Salmin, ces questions, ces débats autour de Keynes et de ses analyses de la fin de la Première Guerre mondiale. On se disait hier, avec Georges-Henri Soutoux, qu'il était étonnant de voir ressurgir et se réchauffer des débats dont on pensait qu'ils étaient déjà morts. Écoutez, moi c'est un sujet classique pour mes étudiants à Dauphine, comparer l'attitude des États-Unis lendemain Première Guerre mondiale, lendemain Seconde Guerre mondiale. Guylain Delplace. Oui, il est évident que c'est une question qui ne cessera pas. je parlais tout à l'heure de l'influence des idées de Keynes, mais le Keynes de la théorie générale, sur une génération de hauts fonctionnaires en France à la fin des années 30 et après la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien sûr la question de la relance économique. Il y a la question de l'interdépendance entre les économies. Il y a la question du système monétaire international. N'oubliez pas 44, Bretton Woods, le plan Keynes qui est discuté. Donc comment faire fonctionner un système monétaire international, Un des problèmes évoqués par Keynes dans les années 20, hein, encore une fois, cette histoire va empoisonner l'atmosphère jusqu'à la fin des années 20, c'est ça ne peut pas fonctionner en raison du système monétaire international de l'étalon or. Donc tout ça est lié et ce sont des questions éternelles en économie. Ce sont des questions éternelles en économie et en histoire. Tant que les sociétés sont vivantes, elles ont une histoire vivante. Il faut espérer qu'on continue à débattre, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et puis il y a bien sûr l'effet de l'écho des guerres et qui donne toujours à penser dans leur phénomène de reconstruction. Merci aux uns et aux autres pour votre part. Donc, Guylain Delplace, votre livre Le Manuel d'Histoire de la Pensée Économique est publié chez Dunod. Philippe Chalmin, on attend le mois prochain. Ça sera au début février, je crois. 20 février. 20 février, l'apparition de votre brève histoire économique d'un long 20e siècle, d'une mondialisation à l'autre, 1913-2018, chez François Bourin, avec en particulier un chapitre sur la Première Guerre mondiale. Et pour votre part, Clotilde Druel-Korn, vos travaux, et en particulier ceux de votre HDR, c'est Food for Democracy, le ravitaillement de la France occupée, Herbert Hoover, le blocus, les neutres et les alliés, c'est chez Peter Lang, et puis votre livre sur Clémentel avec Marie-Christine Kester et de Guy Rousseau et bien d'autres. Vous avez participé pour 3 chapitres à un livre sur Étienne Clémentel, politique et action publique sous la Troisième République, chez Peter Lang également. Merci à tous les 3, et puis pour ceux qui auraient appris aujourd'hui comme moi la mort de Marcel Azola, le grand accordéoniste, sachez que il y a à écouter ou à réécouter sur le site de France Culture l'émission de La Fabrique de l'Histoire qui avait été conçue par Perrine Kervran et par Françoise Camard autour des bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale, une émission dans laquelle Marcel Azola témoignait justement de ce qu'il avait vécu en tant que musicien pendant cette guerre mondiale à Paris. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury était avec nous à la réalisation. Demain, nous serons ensemble, Victor Massé-Dépinay, pour parler de Rosa Luxembourg et des révolutions allemandes qu'on a très brièvement évoquées aujourd'hui.